Alors, vous êtes toujours à l'écoute et l'écho, et nous sommes toujours au studio radio de La Parole Errante, donc 9 rue François de Berg. Et pour celles et ceux qui ne connaissent pas très bien le lieu, en fait, nous sommes dans la grande maison blanche qu'on voit quand on est sur le parking, la maison qu'on appelle la maison de l'arbre, et qui, depuis quelque temps, en fait, s'appelle la maison des écritures et des revues. Donc c'est un projet qui a été créé en 2018 à peu près, en tout cas qui a pris forme en 2018 et qui avait en fait pour projet d'accueillir un ensemble en fait de revues et de maisons d'édition pour non seulement en fait permettre à ces structures d'avoir un espace de travail, mais aussi en fait d'essayer de tisser justement des projets communs entre les différentes revues et maisons d'édition. Et donc pour citer quelques exemples de réalités qu'il y a dans cette maison, il y a notamment la revue Jeff Clack, Femme Photographe, Zélium, donc ça c'est ce qui concerne les revues, et dans les maisons d'édition, nous avons les cahiers d'Armangati, parce que bien évidemment, en fait, cette maison, avant d'être la maison des écritures et des revues, est la maison en fait, qui est vraiment liée à Armangati, Hélène Châtelain, Stéphane Gatti et Jean-Jacques Occard, qui ont en fait, toutes ces années et depuis la création de ce lieu, œuvré justement à en faire un lieu de création culturelle, artistique et politique. Et parmi toutes ces réalités, ces structures qui sont là, il y a les éditions Nous, que nous avons voulu inviter aujourd'hui pour l'émission. Dans ces lieux où tant de rencontres sont possibles, c'était en prenant un café, en discutant sur la théorie de qu'est-ce que c'est un bon café, avec Patrizia. On était ici à La Parole Errante, et Patrizia m'a parlé de ses livres, qui venait de rééditer à Milena. Ce livre est un recueil de lettres que Kafka écrivit à Milena Jesenska, et la passion avec laquelle Patrizia m'a parlé de ce livre m'a donné envie de proposer cette rencontre. Donc on a proposé à Stéphanie de nous suivre dans cette aventure. Patrizia nous parlera de ce livre et surtout de cette nouvelle traduction des lettres de Kafka à Milena en 2015 et une nouvelle édition est sortie en novembre 2021 enrichie d'une postface de Léa ici présente. Merci d'être là. Merci à vous. Et donc Patrizia, as-tu envie de nous parler de ces livres? Oui, alors merci pour ce moment de partage autour des lettres à Milena de Kafka. Juste peut-être, je voulais donner quelques repères pour situer ce livre au sein du catalogue de la maison d'édition. Les éditions Nous éditent principalement de la poésie, de la littérature et de la philosophie. On publie des textes, on a publié pas mal de livres traduits, disons. En premier lieu, de la poésie étrangère, avec ce qu'on pourrait appeler des classiques de la modernité, Hopkins, Cummings, Stein, mais aussi du domaine italien. Voilà, le projet de la maison d'édition lui-même est né avec la traduction. La première collection au sein de la maison d'édition est une collection dédiée à la poésie étrangère. Et c'est une question qui nous intéresse, nous, éditeurs, avec Benoît Cazas, qui ne peut pas être là parce qu'il habite à Marseille, qui est l'autre de nous, donc. Nous avons tous les deux aussi une pratique de traducteur. Et la question de la traduction nous tient beaucoup à cœur. Et voilà, c'est à partir de là qu'on a eu plusieurs rencontres. En fait, les livres de la maison d'édition naissent souvent de rencontres. Et la rencontre avec Robert Kahn, donc le traducteur de la nouvelle traduction de Lettres à Milena, on l'a rencontré à l'occasion d'une proposition qu'il nous a faite initialement. C'était en 2011. il nous avait proposé d'éditer un livre intitulé « Sur Proust » qui rassemblait tous les écrits de Walter Benjamin sur Proust. Robert Kahn étant un grand spécialiste aussi de Benjamin, ayant fait sa thèse sur Benjamin et Proust. Donc ça, c'était notre rencontre initiale autour de ce livre. Et ensuite, il nous a proposé de retraduire Kafka pour des raisons peut-être sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure. Et on a d'abord commencé par la première édition des Lettres à Milena en 2015, donc retraduction par Robert Kahn. Ensuite, toujours de Kafka, on a eu les derniers cahiers publiés en 2017. Et ensuite, en 2020, une nouvelle traduction des journaux de Kafka. Là, on propose d'écouter un extrait radio où Robert Kahn dit quelques mots à propos de son approche à la traduction. En fait, il suffit de prendre le texte et de s'astreindre à ce que je fais depuis maintenant très longtemps. C'est-à-dire, je m'inscris dans une pratique de traduction qui a été celle de Benjamin et de Berman. Surtout Berman, d'ailleurs, plus que Benjamin, parce que et qu'il y ait précision, littéralité, et surtout le grand principe que Berman met bien en évidence et sur lequel il faudrait constamment revenir, c'est-à-dire que le livre ne doit pas pouvoir passer pour ayant été écrit directement en français, hein, ce qui est quand même la vulgate des traductions, le gros des traductions, des éditeurs, etc. Non, Kafka n'a pas écrit en français, voilà. Et donc, j'aime bien que ce texte, tel que je le conçois, enfin, tel que je retranscris, soit émaillé de preuves de la présence de l'étranger, quoi, tout simplement. Comment le traducteur de l'allemand que vous êtes, hein, au-delà de la langue de Kafka à proprement parler, hein, mais comment est-ce que vous décririez son outil langue, c'est-à-dire son allemand précisément, Robert Kahn? Alors, sur son allemand, je suis d'accord avec Jean-Pierre Lefebvre qui dit qu'il faut traduire tous les petits mots, les doch, les aber, etc., qui sont fréquents en allemand, qui font un peu lourd en français, mais qui structurent la phrase de Kafka, qui sont très très présents. Par ailleurs, je suis bien conscient du décalage qu'il y a entre omettre un point à tel endroit dans une phrase allemande et ne pas le mettre en français, puisque bon, c'est évidemment, la structure des langues n'est pas la même, donc il y a un risque. Et c'est là qu'on retombe sur les fameux problèmes de loss in translation. Bon, ce risque vaut le coup d'être pris, quoi, parce que sinon on ne touche plus à la première traduction, qui, comme dit Berman, en général, doit être prise. Enfin, il en faut au moins deux, d'après Berman, voire un peu plus. Patrizia, tu veux ajouter quelque chose à propos de cette rencontre avec Robert Kahn et des traductions? Oui, alors merci d'avoir passé cet extrait. Ça me touche beaucoup d'entendre la voix de Robert Kahn, qui était un ami de la maison d'édition et quelqu'un avec qui nous avons beaucoup aimé travailler. Il y avait plusieurs raisons qui rendaient nécessaire une nouvelle traduction de Kafka et de ce texte en particulier. D'abord, Robert Kahn nous a proposé cette traduction suite à la publication en allemand chez l'éditeur Fischer de l'édition scientifique de la correspondance de Kafka. C'est-à-dire qu'il y a eu cette édition scientifique en 2013 pour laquelle une équipe de chercheurs ont fait un nouvel établissement du texte et qui est devenue l'édition de référence. Donc, cette édition proposait une nouvelle datation, un nouvel ordre des lettres, donc un nouveau classement et une nouvelle construction du livre lui-même. Ça, c'est une première raison, disons, objective. Mais À part cela, il y a aussi, il y avait aussi nécessité à retraduire parce que l'édition qui existait auparavant était l'édition traduite par Vialat, qui était publiée en 1956 chez Gallimard. Cette édition, d'une part, comportait d'assez nombreuses erreurs de traduction qui ont été signalées aussi par les éditions Pléiade par la suite. Mais on sait que les ayants droit de Vialat ont intenté un procès à Gallimard pour empêcher qu'une traduction corrigée puisse être publiée. Donc le texte de Vialat a dû être publié tel quel, et les corrections, la révision par Claude David a été reléguée en note de bas de page à la fin du volume, ce qui rend évidemment la chose complètement illisible. Donc ça, c'est une autre raison. Et puis, une troisième raison, c'est aussi que la traduction de Vialat avait assez mal vieilli, que c'était, comme tout le monde peut le constater, un Kafka qui était lu par Vialat et réécrit presque par Vialat, et qui était assez loin de la langue de Kafka, qui est au contraire très sobre, très sèche. On a parlé, la critique a souvent parlé d'un allemand presque administratif, puisque Kafka travaillait en tant que fonctionnaire à l'Office de protection des travailleurs contre les accidents du travail et qu'il devait rédiger des rapports, etc. On l'a beaucoup dit. Mais surtout, la langue de Kafka on en a souvent parlé avec Robert Kahn, elle garde un caractère d'inachèvement puisque ces textes n'étaient pas destinés à la publication, puisque, comme on le sait, sauf cinq textes, tout devait être brûlé. Et on doit à Max Brod l'œuvre de Kafka, en fait, le fait qu'il ait refusé d'obéir aux indications de Kafka lui-même concernant son œuvre. Donc voilà, il y a ce caractère d'inachèvement, quelque chose qui en témoigne, par exemple, une ponctuation qui est très, très atypique, une dimension très fragmentaire, une écriture abrupte que la traduction de Robert Kahn s'efforce de rendre en français avec des partis pris, comme on vient de l'entendre, de traduction très précis. Robert Kahn avait une théorie de la traduction et de la retraduction très influencée par Walter Benjamin et par Antoine Berman, qui comptait beaucoup pour Robert Kahn. Et les partis pris les plus évidents, c'est une très grande précision et littéralité, c'est-à-dire se tenir au plus près du texte dans sa dimension un peu aride, le fait d'éviter tout embellissement, le fait de ne pas du tout rendre littéraire une langue qui ne l'est pas. Ça, ce sont des partis pris qu'il a tenu dans sa traduction. Il y a aussi, par exemple, de manière très très concrète, pour donner un exemple, le principe de traduire toujours par le même terme français, le même terme allemand devait être traduit toujours par le même terme en français, ce qui était un précepte de Mechnik notamment. Voilà, et puis se garder de vouloir faire du style avec la langue de Kafka, donc respecter dans la mesure de rendre en tout cas le rythme de sa ponctuation, quelques bizarreries, les ellipses. Un autre parti pris était que le traducteur ne doit jamais expliquer les énigmes de la langue originale. Il ne doit jamais donner plus que ce qui se trouve dans la langue originale. Et voilà, en gros, c'était, enfin, suivant le précepte de Walter Benjamin, il s'agissait pour Robert Kahn de faire résonner dans la langue d'arrivée l'écho de l'original. Nous aurons le plaisir d'écouter cette nouvelle traduction tout au cours de l'émission. Et cette, donc vous avez fait ce travail de retraduction, vous avez assumé le fait d'éditer une nouvelle traduction. Et comme on disait dans la deuxième édition, vous avez ouvert une lumière sur la figure de Milena à qui ces lettres étaient adressées. C'est pour ça que vous avez invité Léa Weinstein à écrire la préface. Et donc on va peut-être ouvrir cette lumière sur la figure de Milena. Et en attendant, on écoute un extrait d'un de ses textes. Je crois fermement que le monde vient à notre secours. On ne sait ni quand, ni comment, ni par quoi. Il survient inopinément, simplement, avec compassion. Parfois, être sauvé est presque aussi douloureux que la douleur elle-même. Je connais un homme qui a les poumons malades. Il est grand, maigre, son visage est aigu, anguleux, méchant et incroyablement bon. Voici ce qu'il m'a dit de sa maladie. Lorsque le cœur et le cerveau en ont eu assez de supporter la souffrance, ils se sont mis en quête de quelque chose qui puisse les sauver. Et c'est alors que les poumons se sont proposés. Je sais que ma maladie m'a sauvée, mais cette transaction entre le cœur et les poumons qui s'est faite à mon insu a dû être terrible. Un conte de fées. Un conte de fées étrange, venu d'un autre monde. Et pourtant, c'est la vérité de l'existence et de la souffrance. Ici, les poumons malades ont fait office de rédempteur. Non, ne vous étonnez pas. Il ne faut pas s'étonner. Peut-être faut-il en pleurer. Il faut serrer sa tête dans ses mains et aimer la vie avec ardeur, avec tant d'ardeur que tout cet amour finira par l'attendrir et par racheter sa malédiction. Alors, on vient d'entendre cette très belle version du morceau de Dominika. Suite à la première édition en 2015 des lettres à Milena, Robert Kahn nous a parlé de la rencontre avec Léa Weinstein à l'occasion d'une émission radiophonique pour France Culture. Merci Léa Weinstein d'être là avec nous. Merci à vous. Et c'est suite à cette rencontre que nous est venue l'idée pour cette nouvelle édition en 2021 de te solliciter pour écrire une postface qui était pour nous une manière aussi de mettre en avant la figure de Milena Jasenska que tu connais bien. Tu as fait une thèse sur Kafka. J'imagine que c'est par là que tu en es venue à connaître la figure de Milena. Oui, c'est ça, ouais, ouais. Ouais, j'ai travaillé sur Kafka et puis j'ai proposé ce documentaire pour l'émission de France Culture qui s'appelait à l'époque Une vie, une œuvre, qui maintenant s'appelle Toute une vie. Et j'avais constaté qu'il n'existait pas de portrait de Milena dans cette émission, donc je m'étais lancée là-dedans. J'avais déjà envie en fait de la faire connaître, elle, disons, plus que comme ce prénom, parce que pendant des années et jusqu'à aujourd'hui, à travers ses lettres, elle était une espèce de destinataire, de figure comme ça, un peu lointaine. D'abord parce que il y avait que son prénom. Alors ça, c'est une convention. Milena n'est pas la seule femme à qui Kafka a écrit, et donc elle n'est pas la seule à avoir eu ce sort d'être réduite à son prénom dans les éditions. Il y avait cette histoire du prénom, et il y avait cette histoire plus fascinante et mystérieuse encore, qui est qu'on n'a aucune trace jusqu'à aujourd'hui des réponses de Milena. Donc même si pour les autres femmes, les autres maîtresses, on est plus intéressé de lire les lettres de Kafka que leurs réponses, mais elle était aussi, on va en parler, une intellectuelle, une plume, une journaliste, et peut-être même plus que ça en fait, vraiment une plume. Puis elle s'est engagée dans la résistance, donc c'était aussi une figure de femme engagée, de femme politique presque, on peut dire. Donc elle, en tout cas, moi je rêverais de lire ses lettres à elle, ce qu'elle lui écrivait, ce qu'elle lui répondait. On n'en a aucune trace. A priori, voilà, elles ont été détruites ou perdues. Je reviens un peu là-dessus dans la postface. Mais tout ça crée un mystère autour de cette figure. Et donc, j'avais envie déjà, avec le documentaire, de lui rendre un peu ce nom de famille, en fait. De raconter qui elle était, au-delà de la destinataire inconnu, quoi, de ces lettres. Est-ce que tu aurais envie de nous raconter quelque chose, justement, de son parcours, de tracer des grandes lignes? Des grandes lignes. Oui, alors, elle, je pense, pour faire le lien avec ce que Patricia expliquait et qui est très important, c'est qu'une des activités de Milena, est déjà très jeune dans sa jeunesse, c'est qu'elle était traductrice. Donc, elle traduisait en général l'allemand vers le tchèque. Et c'est comme ça qu'elle a rencontré Kafka. Ce qui est très beau, c'est que c'est une histoire qui commence, avant d'être une histoire d'amour, c'est d'abord une histoire de traduction. Et donc, elle va... c'est une jeune femme qui naît dans un milieu assez bourgeois, à Prague, mais qui va avoir une enfance quand même très difficile très tôt, parce que sa mère va mourir jeune, et qu'elle a un père qui est un grand professeur de médecine, mais qui s'occupe pas du tout d'elle. Et donc, elle va se retrouver dans un lycée pragois qui est le lycée Minerva. Et elle va être très jeune au centre d'une espèce de bande de jeunes femmes, comme ça, intellectuelles, très engagées, et déjà, disons, rebelles. Très tôt, elle va s'ancrer dans ce personnage-là. Elle va rencontrer celui qui sera son premier mari, qui s'appelait Ernst Polak, qui lui aussi est dans ces cercles de la traduction, de l'écriture, à Prague et à Vienne, puisqu'à l'époque, les deux villes sont très reliées. Prague est un peu comme la province, la grande banlieue de Vienne. Donc les intellectuels, les écrivains des deux villes se croisent beaucoup. Et c'est Ernst Polak qui va introduire Milena, donc il est beaucoup plus vieux qu'elle. Et pour elle, c'est une manière en fait de s'échapper, de fuir la maison, qui est un univers voilà, très emprisonnant pour elle. Et donc, elle va pénétrer, si vous voulez, les cercles intellectuels pragois à travers cet homme. Son père ne va pas s'y tromper, puisque dès qu'il apprend cette histoire d'amour, il va interner sa fille dans une espèce de pension. Mais d'où on n'avait pas le droit de sortir, etc. Et l'intention était clairement de la couper de cet homme. Pour échapper à cette situation, elle décide d'épouser Ernst Pollack, donc très jeune, ce qui va lui permettre de vivre sa vie avec lui. Et c'est à travers lui que donc, dans un café qui s'appelle le Café Arco de Prague, Milena va rencontrer Kafka. Elle a lu le début du premier roman écrit par Kafka, qu'on traduit en français par l'Amérique, et elle lui dit qu'elle a été fascinée par ce début de roman et qu'elle a envie de le traduire. Donc le tout début de la correspondance, en fait, c'est ça. C'est « voici ma traduction, qu'est-ce que vous en pensez, etc. » Et de là, ça va en fait glisser vers une espèce... Enfin, la traduction va devenir une espèce de métaphore de l'histoire d'amour, de oui, la fidélité, qu'est-ce que vous restituez bien, qu'est-ce que vous me comprenez bien, et ça. Donc le glissement va s'opérer comme ça. Et les lettres commencent, et là on rentre dans une histoire d'écriture incroyable, avec près de... Bah, vous voyez un peu le volume du livre. On parle, les traducteurs, les spécialistes, parlent d'un commerce de lettres, c'est-à-dire qu'ils s'écrivent sans arrêt, quoi. Merano, 9 juin 1920, mercredi. Les deux lettres sont arrivées ensemble, à midi. Elles ne sont pas là pour qu'on les lise, mais pour être étalées. Qu'on y enfouisse le visage et qu'on perde la raison. Mais il apparaît maintenant qu'il est bon de l'avoir presque entièrement perdu, car alors le reste peut peut-être tenir ensemble encore longtemps. C'est pourquoi mes 38 années juives disent en face à vos 24 années chrétiennes. Comment ce serait ? Et où se trouvent toutes les lois du monde et toute la police du ciel. Tu as 38 ans et tu es plus fatigué qu'on ne le peut vraisemblablement le devenir par l'âge. Ou plus exactement, tu n'es pas du tout fatigué, mais agité. Mais tu crains de faire un pas de plus sur cette terre débordante de pièges pour les pieds, raison pour laquelle tu as toujours en même temps deux pieds en l'air. Tu n'es pas fatigué, mais tu crains surtout la fatigue inouïe qui suivra cette agitation inouïe. Et tu es quand même juif et tu sais ce qu'est la peur, qui peut se concevoir comme la stupide contemplation du vide, dans le meilleur des cas dans le jardin de l'asile de fous, derrière la place Saint-Charles. Bien, ce serait donc ta situation. Tu as mené quelques escarmouches, tu as ainsi rendu malheureux amis et ennemis, et pourtant tu n'avais que des amis, de bonnes et chères personnes, aucun ennemi. Ce faisant, tu es déjà devenu un invalide, l'un de ceux qui commencent à trembler lorsqu'ils voient un pistolet d'enfant, et maintenant, tout soudainement, Tu te sens comme enrôlé pour le grand combat de la rédemption du monde. Ce serait tout de même très étrange, n'est-ce pas ? Considère aussi que peut-être la meilleure époque de ta vie, dont tu n'as d'ailleurs pour le moment parlé avec personne à fond, a été ton séjour de 8 mois dans un village, il y a à peu près 2 ans, pendant lequel tu avais cru avoir rompu avec tout, t'être... replié sur cela seul qui était en toi à l'abri du doute, tu étais libre, sans lettres, sans la liaison postale de 5 ans avec Berlin, sous la protection de ta maladie. Tu n'avais pas grand-chose à changer en toi, mais simplement à consolider les vieux contours étroits de ton être. Dans le visage, sous les cheveux gris, tu n'as presque pas changé depuis ta sixième année. Tu as hélas appris, dans l'année et demie écoulée, que ce n'était pas la fin. Tu pouvais difficilement tomber plus bas dans cette direction. J'exclus l'automne dernier, pendant lequel je me suis correctement battue pour le mariage, attirer plus bas avec toi un autre être, une bonne et aimable jeune fille qui s'effaçait totalement dans l'auto-sacrifice, impossible d'aller plus bas, sans issue nulle part, et même en profondeur. Bien, et maintenant, Milena t'appelle d'une voix qui pénètre avec la même force dans la raison et le cœur. Naturellement, Milena ne te connaît pas. Elle a été aveuglée par quelques histoires, quelques lettres. Elle est comme la mer, forte comme la mer, avec ses masses d'eau, et pourtant déferlant de toute sa force dans le malentendu, quand la lune morte est si lointaine le veut. Elle ne te connaît pas, et c'est peut-être une intuition de la vérité qui fait qu'elle veut que tu viennes. Tu peux absolument être sûr que ta présence réelle ne l'aveuglera plus du tout. Âme tendre, est-ce donc à la fin pour cette raison que tu ne veux pas venir, parce que tu crains précisément cela? Mais admettons, tu as 100 autres raisons intérieures de ne pas venir, tu les as vraiment. Et en plus, une autre externe. En fait, tu ne serais pas en état de parler au mari de Milena, ou même de le voir, et tu ne serais pas plus en état de parler à Milena ou de la voir si son mari n'était pas là. Tout cela posé, reste deux réflexions opposées. Premièrement, peut-être que Milena, si tu dis que tu viens, ne voudra plus du tout que tu viennes. Pas par indécision, mais par une fatigue naturelle. Elle te laissera volontiers voyager à ta guise et sera soulagée. Deuxièmement, va vraiment à Vienne. Milena ne pense qu'à la porte qui s'ouvre. Elle s'ouvrira certes, mais alors ? Se tiendra alors, là, debout, un homme long et maigre, souriant aimablement. Il sourira constamment. Il tient cela d'une vieille tante qui, elle aussi, souriait constamment. Tous deux ne le font pas intentionnellement, mais par embarras. Et puis, il s'assoira où on le lui dira. En fait, les festivités seront alors terminées, car il parlera à peine. Pour cela, il lui manque de la force vitale. Mon nouveau voisin de table ici commenta en ces termes le menu végétarien de l'homme muet. « Je crois que le travail intellectuel nécessite obligatoirement un régime carné. Il ne sera même pas heureux. Pour cela aussi, il manque de force vitale. » Ainsi, vous le voyez, Milena, je parle ouvertement. Mais vous êtes fine, vous remarquez pendant tout ce temps que je dis certes la vérité, entière, sans réserve, d'une précision totale, mais de manière trop ouverte. J'aurais pu venir sans cette annonce et vous désenchanter à la volée, ne pas l'avoir faite une preuve de plus de ma vérité, de ma faiblesse. Je reste encore 14 jours. Surtout que j'ai honte et crains de rentrer avec ce résultat de ma cure. À la maison, et ce qui est particulièrement irritant, à mon bureau, on attend de ce congé quelque chose comme un début de guérison. Torture des questions. Combien as-tu déjà repris, alors qu'on a maigri? N'épargne pas, dirigé contre mon avarice. Et je paye la pension complète sans pouvoir manger. Et le reste à l'avenant. Encore beaucoup à dire, mais la lettre ne partirait pas. Oui, je voudrais encore dire cela. Si à la fin des 14 jours, vous voulez encore aussi fortement que vendredi ma venue, alors je viens. Votre F. Merano, 10 juin 1920. Jeudi, c'est le lendemain. Vous voyez, Milena, je suis allongée sur la chaise longue ce matin, nue, à moitié au soleil et à moitié à l'ombre, après une nuit presque sans sommeil. Comment aurais-je pu dormir ? Puisque trop léger pour le sommeil, j'ai sans cesse voleté autour de vous et que, exactement comme vous l'écrivez aujourd'hui, j'étais épouvantée par ce qui m'était tombé dessus. Épouvantée, au sens de ce que l'on dit des prophètes qui étaient de faibles enfants. Déjà ou encore, c'est égal. Ils entendaient la voix les appeler et étaient épouvantés et ne voulaient pas et frottaient leurs pieds contre le sol et avaient une peur qui leur déchirait le cerveau et avaient déjà entendu des voix autrefois et ne savaient pas d'où venait ce terrible son précisément dans cette voix. Était-ce la faiblesse de leur oreille ou la force de cette voix ? Et ne savaient pas non plus, car c'était des enfants, que la voix avait déjà vaincu et pris ses quartiers justement grâce à cette peur préalable pleine de pressentiments qu'ils avaient d'elle. Mais cela ne disait encore rien de leur être prophète, car beaucoup entendent la voix, mais on ne sait s'ils sont dignes d'elle. C'est objectivement encore très douteux. Et il vaut mieux, pour plus de sûreté, le nier absolument dès le début. Donc, c'est ainsi que j'étais allongée quand vos deux lettres arrivèrent. Je crois que nous avons une particularité commune, Milena. Nous sommes si timides et craintifs, presque chaque lettre est différente. Presque chacune s'effraie de la précédente et encore plus de la réponse. Vous ne l'êtes pas par nature, on le voit facilement, et moi-même, je ne le suis peut-être pas de nature, mais c'est presque devenu ma nature. Cela ne passe que dans le désespoir, à la rigueur encore dans la colère, et, pour ne pas l'oublier, dans la peur. Parfois, j'ai l'impression que nous avons une chambre avec deux portes en vis-à-vis. Chacun a la main sur la poignée de sa porte et un froncement de sourcils de l'un précipite l'autre derrière sa porte et il suffit maintenant que le premier dise un mot pour que le second, à coup sûr, ferme la porte derrière lui et ne soit plus visible. Il rouvrira bien la porte, car c'est une chambre que l'on ne peut peut-être pas quitter. Si seulement le premier n'était pas exactement comme le second, s'il était calme, si apparemment il préférait ne pas du tout regarder le second, s'il mettait lentement la chambre en ordre comme si elle était une chambre comme toutes les autres, au lieu de cela, il fait exactement la même chose avec sa porte. Parfois, tous les deux sont derrière les portes et la belle chambre est vide. De cela naissent de cruels malentendus. Milena, vous vous plaignez de maintes lettres. On les retourne dans tous les sens et rien n'en sort. Et pourtant, ce sont précisément celles, si je ne me trompe pas, dans lesquelles j'étais si proche de vous, maîtrisant mon sang et maîtrisant le vôtre, si profondément dans la forêt, si calmement dans le calme, que l'on ne veuille vraiment rien dire d'autre que, par exemple, à travers les arbres, on peut voir en haut le ciel, c'est tout. Et une heure après, on répète la même chose, et il ne s'y trouve pourtant pas un seul mot qui ne soit mûrement pesé. D'ailleurs, cela ne dure pas longtemps, un moment tout au plus, et bientôt résonnent à nouveau les trompettes de la nuit d'insomnie. Considérez aussi, Milena, comme je viens à vous. Quel voyage de 38 années j'ai derrière moi. Et comme je suis juif, un beaucoup plus long encore. Et voilà que je vous vois sur le chemin, à une bifurcation apparemment de hasard que je ne m'attendais pas du tout à voir, et encore moins si tard. Alors, Milena, je ne peux pas crier. Rien ne crie d'ailleurs en moi. Je ne dis pas non plus un millier de folies. Elles ne sont pas en moi. J'accepte l'autre folie que j'ai en abondance et que je me retrouve à genoux. Je ne m'en rends peut-être pas compte qu'en voyant tout près de mes yeux vos pieds et en les caressant. Et ne me demandez pas de la sincérité, Milena. Personne ne peut davantage me la demander que moi. Et pourtant, beaucoup m'échappent, c'est clair. Peut-être tout m'échappe-t-il. Mais les encouragements à poursuivre cette chasse ne m'encouragent pas, au contraire. Je ne peux plus alors avancer d'un pas. Soudain, tout devient mensonge et les proies égorgent le chasseur. Je me trouve sur un chemin si dangereux, Milena. Vous êtes solidement debout, contre un arbre, jeune, belle, l'éclat de vos yeux anéantit la douleur du monde. On joue, petit arbre, transforme-toi. Je me glisse dans l'ombre d'un arbre à l'autre, je suis au milieu du chemin. Vous m'appelez, vous me signalez des dangers, vous voulez me donner du courage. Vous vous désolez de mon pas peu assuré. Vous me rappelez à moi le sérieux du jeu. Je ne peux pas. Je tombe. Je suis déjà étendue par terre. Je ne peux pas écouter en même temps les terribles voix intérieures et vous écouter vous, mais je peux écouter celle-ci et vous le confier. À vous, comme à personne d'autre en ce monde. Votre F. On vient d'entendre cette langue si bien restituée par Stéphanie. Et on se rend compte à l'écoute très facilement, très spontanément, que ces lettres sont une partie intégrante de l'œuvre de Kafka. Un terme, et beaucoup de critiques ont signalé cela concernant l'œuvre de Kafka, c'est-à-dire qu'il n'y a pas véritablement de différence de qualité littéraire entre des choses qui ont un statut de fragment, des lettres, le journal ou les œuvres de fiction. C'est pour cela que ces lettres permettent d'appréhender l'œuvre de Kafka en passant par ce trafic épistolaire avec Milena, où on entend que, comme ailleurs dans d'autres textes, comme les journaux, que pour Kafka, l'écriture est tout à fait inséparable de la vie. C'est le début de leur histoire, de ces échanges très frénétiques qui auront lieu pendant quelques mois seulement. Les lettres à Milena se composent de 49 lettres que Kafka adresse à Milena, dont lettres et cartes postales à la fin, dont 140 sont écrites en 10 mois, entre mars 1920 et décembre 1920. Et puis, il y aura quelques lettres en 22 et en 23. Donc, il y a une sorte de passion qui se met à grandir, alors qu'ils ne se sont rencontrés qu'une fois à ce moment-là. Et c'est une passion dévorante pour Kafka. C'est la plus grande histoire d'amour de sa vie, bien qu'elle soit faite plus de lettres, d'écriture que de rencontres réelles. Oui, apparemment, ils se seraient vus physiquement que deux fois. Et on comprend, même si ce n'est pas très explicite, mais on comprend dans les lettres que ça a été assez catastrophique, les rencontres physiques. Et que probablement, c'est d'ailleurs ce qui aurait conduit Milena à renoncer à cette histoire, en fait. À comprendre que c'était peut-être plus une histoire d'écriture, peut-être plus une histoire... épistolaire qu'une vraie histoire d'amour dans ce qu'elle elle en attendait, en tout cas. Donc ça, c'est la partie assez tragique de l'histoire. Et je ne sais pas si on va entendre des lettres plus tardives après, donc je ne veux pas... Mais dans les lettres qui datent d'après la rupture, dans les toutes dernières lettres, il y a une lettre qui est assez célèbre où Kafka revient au vouvoiement. Donc on sent vraiment cette distance qui a été remise entre eux et où il a cette image du fantôme pour parler des lettres. Il dit quand on s'envoie des lettres, on écrit à un fantôme et on écrit soi-même à partir de son propre fantôme. Donc il y a aussi, on l'entend dans la magnifique lecture, il y a du tragique, mais surtout, je trouve, ce qui est frappant, c'est qu'il y a de la douleur, quoi. Tout est dans la douleur pour lui, y compris la beauté d'une rencontre et le début d'une histoire d'amour se produit vraiment à l'aune d'une douleur d'écrire, d'une douleur de vivre, d'une peur qui est peut-être le motif... Bon, le plus fort dans la correspondance, c'est la peur permanente qu'il a de vivre, d'écrire, de lui écrire à elle, d'attendre ses réponses. Oui, la peur est l'un des motifs comme ça qui est très, très, très visible dans ses lettres, qui est le motif clé de l'œuvre de Kafka tout entière. Et c'est une peur qui a été largement commentée et qui concerne en particulier la relation amoureuse avec les femmes. Oui, on sait que Kafka a eu du mal. A eu du mal. A fui toute sa vie, enfin jusqu'à la fin de sa vie, a fui le mariage. C'était pour lui quelque chose qui à la fois restait comme une sorte d'idéal de vie accomplie, de vie conforme, mais qu'il fuyait, qu'il à la fois il n'arrivait pas à atteindre et à la fois il ne voulait pas, il ne pouvait pas. Oui, et d'ailleurs, dans la lettre, on l'entend, dans la lettre que vous venez de lire, où il dit si elle n'était pas mariée, s'il n'y avait pas cette espèce de filet, en fait, pour lui, probablement qu'il n'aurait même pas osé lui écrire. Donc, on arrive à des niveaux de contradiction dans son désir, enfin, dans son rapport à son désir, à lui, qui sont assez ahurissants. Et ce que je trouve fou dans le texte là, qu'on entend dans votre voix et à travers la traduction de Robert Kahn, c'est vraiment comment la peur l'emporte, en fait, y compris sur le désir, parce qu'il commence quand même en disant « je suis au soleil, je suis nu », on s'attend à ce que voilà, ce soit la machine du désir qui l'emporte, et non, il est immédiatement rattrapé par la peur. Ouais. Prague, 21 juillet 1920, mercredi. Il y a quand même certains résultats quand on a du courage. D'abord, Gross n'a peut-être quand même pas tort, si je le comprends bien. Parle au moins pour lui le fait que je vive encore, alors qu'autrement, en raison de la configuration des forces intérieures, je ne devrais plus vivre depuis longtemps déjà. Ensuite, ce qu'il doit en advenir plus tard, ce n'est pas le sujet. La seule certitude est que je ne peux vivre loin de toi autrement qu'en approuvant totalement la peur, en l'approuvant plus encore qu'elle ne le veut elle-même, et je le fais sans contrainte, avec délice, je me répands en elle. Tu as raison de me faire des reproches au nom de la peur sur ma conduite à Vienne, mais elle est vraiment étrange. Je ne connais pas ses lois internes. Je ne connais que sa main sur ma gorge et c'est vraiment la chose la plus effroyable que j'ai jamais vécue ou puisse vivre. Il en résulte sans doute que nous sommes maintenant mariés tous les deux, toi à Vienne et moi avec la peur à Prague. Et que non seulement toi mais moi aussi, nous tiraillons en vain nos mariages. Car vois-tu, Milena, si tu avais été totalement convaincue par moi à Vienne, totalement accordée jusque dans la démarche qui ne t'avait pas convaincue, tu ne serais plus, malgré tout, à Vienne, ou plutôt, il n'y aurait pas de « malgré tout ». Tu serais tout simplement à Prague. Et tout ce qui te console dans ta dernière lettre n'est que consolation. Ne le crois-tu pas ? Si tu étais venu tout de suite à Prague, ou si au moins tu t'étais décidé tout de suite à le faire, cela ne m'aurait pas été une preuve pour toi. Je n'ai pas besoin de preuve pour toi. Tu m'es absolument clair et sûr, mais cela aurait été une grande preuve pour moi. Et celle-ci me manque maintenant. Et c'est aussi de cela dont se nourrit à l'occasion la peur. Oui, c'est même peut-être pire encore, et c'est en fait moi, le sauveur, qui te retiens à Vienne, comme personne auparavant. Ainsi, c'était cela l'orage qui menaçait toujours dans la forêt. Mais tout allait pourtant bien pour nous. Continuons à vivre sous sa menace, car il ne peut en être autrement. Laurine a téléphoné, une traduction a paru dans la Tribuna. Comme tu ne me l'as pas mentionné, je ne savais pas si tu voulais qu'elle soit lue, et donc je ne l'ai pas encore lue. Je vais essayer maintenant de me la procurer. Je voulais encore dire quelque chose, mais un jeune poète est à nouveau entré. Je ne sais pas, dès que quelqu'un vient, je me souviens de mes dossiers et je ne peux penser à rien d'autre pendant toute la visite. Je suis fatiguée, je ne sais rien et je ne voudrais rien d'autre que poser mon visage sur tes genoux, sentir ta main sur ma tête et rester ainsi pour toute l'éternité. Ton. Oui, je voulais encore dire ceci. Il y a une grande vérité parmi d'autres vérités, dans ta lettre. En fait, tu es un homme qui n'y comprend rien. C'est vrai mot pour mot. Tout n'était que saleté, misérable abomination, naufrage infernal. Et je m'y trouve maintenant devant toi comme un enfant qui a fait quelque chose de très mal et le voilà devant sa mère. Il pleure et promet « je ne le ferai plus jamais ». Mais c'est de tout cela que la peur tire sa force. Justement, dit-elle, il n'y comprend rien. Il n'est encore rien arrivé. Il n'est encore rien arrivé. Donc il peut encore être sauvé. Je sursaute. Le téléphone. Chez le directeur. C'est la première fois depuis que je suis à Prague, que l'on me convoque en bas pour des raisons de service. Maintenant, enfin, toute l'escroquerie va être révélée. Je n'ai rien fait depuis 18 jours, à part écrire des lettres, lire des lettres, et surtout regarder par la fenêtre, tenir des lettres dans la main, les poser, les reprendre, avoir eu des visites, et sinon, rien. Mais quand je descends, il est aimable, sourit, raconte quelque chose à propos des affaires en cours et je n'y comprends rien. Il prend congé parce qu'il part en vacances. Un homme incroyablement bon. Il est vrai que j'ai murmuré de façon indistincte que j'avais presque tout terminé et que j'allais commencer demain à dicter. Et maintenant, je raconte encore vite cela à mon bon génie. Curieusement, ma lettre de Vienne se trouve encore sur son bureau avec une autre lettre de Vienne par-dessus. J'ai d'abord presque cru vaguement qu'il s'agissait de toi. On entend dans ces extraits cette chose étrange qu'on a quand même à la lecture de ces lettres, c'est que Milena est certes absente, mais il y a aussi de sa présence, Kafka fait référence souvent à elle, d'une part ce qu'il peut projeter de ce qu'elle peut penser de lui, d'autre part des propos qu'il cite parfois en tchèque. Stéphanie a lu la traduction en français, mais dans les lettres, Kafka écrit des phrases de Milena en tchèque. Et c'est pourquoi, quand on lit, on n'a pas vraiment l'impression d'un monologue, en fait. Il y a cette... Milena est présente et se rejoue peut-être dans les lettres, c'est ce que je me disais à l'écoute, ce motif comme ça de la présence-absence, qui est vraiment un motif qui traverse toute cette correspondance. Voilà, c'est ce que tu disais à l'instant, Léa, c'est-à-dire qu'ils sont loin, mais c'est cette distance qui rend possible leur contact, leur relation, cette passion, ce rêve. Et peut-être, on imagine en lisant que cela fait partie de la condition de possibilité de cette relation. Oui, et je reviens à cette image du fantôme que lui emploie plus tard, mais ce qui m'y refait penser aussi, c'est que c'est effectivement la présence-absence, c'est vraiment l'idée que leur identité propre à chacun s'efface, et c'est comme si le fantôme de chacun écrivait à l'autre. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans la façon dont Kafka signe. Donc ça, c'est quelque chose qui a été aussi beaucoup commenté et qui montre à quel point les lettres à Milena, comme tu le disais tout à l'heure, sont vraiment un miroir, un laboratoire, une partie intégrante en fait de son œuvre. C'est qu'on se rend compte que la façon dont il signe est une espèce de réduction à rien. C'est-à-dire qu'il commence par votre Franz Kafka, puis quand on va passer au tutoiement, on va avoir votre Franz ou ton Franz, puis ton F, puis ton, puis rien. Et à la fin, il n'y a plus rien. Et donc, c'est vraiment cette trajectoire de la métamorphose en son propre fantôme. Et ce qui a été beaucoup souligné par les commentateurs, c'est que c'est précisément un processus qu'on retrouve aussi dans l'œuvre romanesque de Kafka, dans la façon dont il nomme ses personnages, puisqu'on va, on va passer, par exemple, de Joseph K à K, tout court. Puis après, à beaucoup de nouvelles où les personnages n'ont plus de nom. Donc c'est ce parallèle que je trouve aussi intéressant et beau à entendre. C'est petit à petit, on assiste à la métamorphose de deux êtres en fantômes, quoi. J'avais envie de faire une petite remarque parce qu'on a parfois l'impression que et n'ayant que les lettres de Kafka, et effectivement une sorte de désir frustré de la part de Milena dans cette relation, que son attachement soit peut-être moins fort. Mais Milena racontera qu'une fois l'histoire avec Kafka terminée, et c'est lui qui mettra fin à cette histoire, il sera tellement un manque de lui et de ses lettres que tous les jours pendant un an, elle ira à la poste chercher des lettres qui n'arrivent pas. Et, Et aussi, je voulais souligner comment on parle beaucoup, effectivement, de cet amour torturé, de cet amour qui est rempli de peur. Et justement, face à ça, on voit la figure de Milena qui est capable de vivre ça jusqu'au bout. Et ce qui implique une certaine force. Et Milena, c'est quelqu'un qui toute sa vie aura des histoires difficiles. Elle a une trajectoire tragique et jamais elle a arrêté d'aimer. Toute sa vie, jusqu'à la fin de ses jours, jusqu'à quand elle sera au camp de Ravensbrück, elle sera capable d'aimer. Et donc à travers ça, je pense qu'on peut voir la figure d'une femme remarquable, forte et pleine de vie. Et ça, on le sent aussi dans cette relation épistolaire où elle n'est pas là, mais elle y est. Oui, dans sa fascination à lui aussi pour elle et juste sur cette capacité qu'elle avait à aimer. Et en effet, jusqu'à la dernière histoire d'amour qu'elle vivra dans sa vie, donc Milena va rentrer dans la résistance à Tchèque et elle va être arrêtée avec l'étoile jaune alors qu'elle n'était pas juive. Elle va être arrêtée quand même dans ces conditions-là qu'il faut, je pense, mesurer aujourd'hui. Et à Ravensbrück, elle va faire la connaissance de Margaret Buber-Neumann, qui est elle aussi une résistante mais allemande. Et elles vont avoir une rencontre très forte et en fait vivre une histoire d'amour à l'intérieur du camp. Et quand Milena va tomber malade et qu'il va être assez clair qu'elle ne pourra pas sortir du camp, elle fait promettre à Margaret Buber-Neumann d'écrire sa vie. Et promesse tenue, puisque donc, c'est la première biographie de Milena qui va exister, écrite par Margaret Buber-Neumann, qui, elle, va survivre et va pouvoir rentrer, va pouvoir témoigner. Et on en parlait tout à l'heure avec Patricia, justement. C'est une traduction en français qui date de 1986. Et c'est encore aujourd'hui, enfin moi quand j'ai fait le documentaire, une histoire d'amour qui reste taboue. On a beaucoup de mal à dire que Margaret Buber-Neumann et Milena Jesenská ont vécu à cet endroit-là, à ce moment-là, une histoire d'amour, alors que quand on lit le texte, ça fait absolument... Enfin, c'est d'une transparence totale et c'est d'une beauté renversante, puisqu'il y a quelque chose là aussi de l'ordre de la vie et de la mort qui est extrêmement puissant. Et pourtant, voilà, moi, quand je posais la question, les gens étaient embarrassés d'appeler ça... une histoire d'amour. Et donc, voilà, on en parlait. Il y a certainement le tabou de l'homosexualité féminine à ce moment-là pour une femme qu'on a quand même, qui dans l'imaginaire collectif est la destinataire des lettres de Kafka. Donc, on ne veut pas brouiller les pistes avec ça. Et il y a aussi l'histoire d'amour dans le camp et l'homosexualité féminine à l'intérieur du camp. Donc on touche là à des tabous, je pense, importants, mais cette biographie est magnifique et elle mérite vraiment d'être lue. Et aussi les textes de Milena elle-même, puisque, donc, comme on disait, elle a écrit de nombreux articles qui ont été traduits en français et recueillis sous le titre « Vivre ». Et voilà, il faut lire Milena Jesenská. Fin mars ou début avril 1922. Voilà si longtemps que je ne vous ai pas écrit, Madame Milena. Et même aujourd'hui, je n'écris qu'à la suite d'un hasard. Je n'en aurais en fait pas à m'excuser. Je n'aurais en fait pas à m'excuser de ne pas vous avoir écrit. Vous savez bel et bien à quel point je hais les lettres. tout le malheur de ma vie, ce qui ne veut pas dire que je me plains, mais que je veux faire une constatation dans l'intérêt général, vient, si l'on veut, des lettres ou de la possibilité d'en écrire. Les êtres humains ne m'ont presque jamais trompée, mais les lettres toujours. Et en fait, pas celles des autres, mais les miennes. Dans mon cas, c'est un malheur particulier dont je ne veux pas parler davantage, mais aussi en même temps un malheur général. La facilité de l'écriture des lettres, d'un point de vue simplement théorique, doit avoir causé une effroyable désagrégation des âmes dans le monde. C'est une fréquentation des fantômes, et pas seulement du fantôme du destinataire, mais aussi de son propre fantôme, qui se développe sous la main dans la lettre qu'on écrit, ou même dans une suite de lettres, quand une lettre durcit l'autre et peut la faire témoigner. Comment a-t-on pu en arriver à penser que les êtres humains pourraient se fréquenter grâce aux lettres? On peut penser à quelqu'un d'éloigné et on peut saisir quelqu'un de proche. Tout le reste est hors du pouvoir de l'être humain. Mais écrire des lettres, cela signifie se dénuder devant les fantômes, ce qu'ils attendent avidement. Les baisers écrits ne parviennent pas à destination. Les fantômes les boivent sur le chemin jusqu'à la dernière goutte. Grâce à cette riche nourriture, ils se multiplient incroyablement. L'humanité le sent et lutte contre cela. Et pour exclure le plus possible le fantomatique d'entre les êtres humains, pour atteindre la fréquentation naturelle, la paix des âmes, elle a inventé le train, l'auto, l'aéroplane, mais cela ne sert à rien. Ce sont visiblement des inventions qui ont été faites dès la chute. L'adversaire est beaucoup plus calme et plus fort. Il a inventé, après la poste, le télégraphe, le téléphone, la télégraphie sans fil. Les fantômes ne mourront pas de faim, mais nous serons anéantis. Je m'étonne que vous n'ayez encore rien écrit à ce sujet, non pour éviter ou atteindre quelque chose par la publication, pour cela il est trop tard, mais pour au moins leur montrer qu'on les a reconnus. On peut d'ailleurs aussi les reconnaître sans exception, aux exceptions. En effet, ils laissent parfois passer une lettre sans anicroche. Et elle arrive comme une main amicale, elle se pose, légère et bonne, dans la vôtre. Mais bon, cela aussi n'est probablement que l'apparence. Et de tels cas sont peut-être les plus dangereux, dont l'on doit se protéger plus que des autres. Mais si c'est une tromperie, elle est en tout cas parfaite. Il m'est arrivé aujourd'hui quelque chose de semblable, et voilà pourquoi j'ai eu l'idée de vous écrire. J'ai reçu aujourd'hui une lettre d'un ami que vous connaissez aussi. Nous ne nous étions pas écrits depuis longtemps, ce qui est des plus raisonnables. Va avec ce qui précède le fait que les lettres sont d'extraordinaires antisomnifères. Dans quel état arrivent-elles? Desséchées, vides et énervantes, une joie d'un instant suivie d'une longue souffrance. Pendant qu'on les lit dans l'oubli de soi, le peu de sommeil qu'on a se lève, s'envole par la fenêtre et ne revient pas avant longtemps. Voilà donc pourquoi nous ne nous écrivons pas. Mais je pense souvent à lui, même si c'est trop fugitif. Toute ma pensée est trop fugitive. Mais hier soir, j'ai beaucoup pensé à lui. Pendant des heures, j'ai passé les heures nocturnes au lit, si précieuses pour moi à cause de leur hostilité, à reprendre toujours les mêmes mots dans une lettre imaginée par laquelle je lui donnais des informations qui me paraissaient alors très importantes. Et le matin, une lettre de lui est vraiment arrivée. Elle contenait en plus la remarque que mon ami avait eu l'impression depuis un mois, ou plus exactement un mois auparavant, qu'il devait venir me voir. Une remarque qui correspond curieusement à des choses que j'ai vécues. Cette histoire de lettres m'a donné l'occasion d'écrire une lettre. Et puisque j'écrivais, Comment aurais-je pu alors ne pas vous écrire aussi, Madame Milena, à vous, qui êtes celle à qui j'aime peut-être le plus écrire ? Si tant est qu'on puisse seulement aimer écrire, ce qui n'est dit que pour les fantômes, ces êtres lubriques qui assiègent ma table. Cela fait longtemps que je n'ai rien trouvé de vous dans les journaux, à part les articles sur la mode, qui m'ont paru, dans les derniers temps, à quelques exceptions près, joyeux et sereins, même le dernier article du printemps. Il est vrai que je n'avais pas lu la Tribuna pendant 3 semaines. Je vais pourtant essayer de me la procurer. J'étais à Spindelmühl. Donc c'est une lettre de avril 22, après une pause. Donc on a toute cette frénésie qui se succède pendant plusieurs mois au rythme de parfois plusieurs lettres par jour. Et puis tout d'un coup, ça s'arrête et on est 2 ans après. Je repensais à une discussion avec Robert Kahn en envisageant cette émission, où il me racontait que avant de rencontrer Milena, Kafka n'avait pas écrit pendant 1 an, et que après leur rupture, justement vers 2022, il commence à écrire, et là il écrira ce qu'on a édité sous le titre Dernier cahier, c'est-à-dire qu'il s'ensuit une période extrêmement faste en termes d'écriture pour Kafka. C'est juste une remarque concernant cet amour, cette correspondance a fait à son œuvre. Et voilà. Et ensuite, Kafka il était déjà malade, sa maladie s'empirera. Tandis que Milena aura une autre vie, peut-être. Mais ils vont se revoir. Hein. Ils vont se revoir juste avant que la mort de Kafka, et il va même lui confier certains de ses manuscrits, donc notamment des extraits des journaux, qui va quand même lui donner à elle. Et puis il lui promet la lettre au père. La fameuse lettre à son père, il lui dit « je vais te l'amener, je vais te la donner, c'est toi qui vas la garder ». Et finalement, apparemment, il ne lui a jamais donné ça, mais il lui a donné des extraits du journal que Max Brod, après la mort de Kafka, va essayer de venir récupérer auprès d'elle. On va écouter peut-être pour terminer le texte que Milena écrit suite au décès de Kafka. Avant-hier, au sanatorium Kirling à Klosterneuburg près de Vienne, est décédé le docteur Franz Kafka, un écrivain allemand qui vivait à Prague. Il y était connu de peu de gens car c'était un solitaire, un homme de savoir, effrayé par le monde. Il souffrait depuis des années d'une maladie pulmonaire et même s'il la soignait, il la nourrissait aussi en toute conscience et l'encourageait en pensée. Quand l'âme et le cœur ne supportent plus le fardeau, le poumon les relaie à moitié, afin qu'ils soient au moins répartis de façon un peu plus équilibrée. Voilà ce qu'il écrivit un jour dans une lettre, et telle était sa maladie. Elle lui conféra une délicatesse presque incroyable et un raffinement intellectuel presque macabre et qui n'admettait pas de compromis. Mais lui, l'être humain, il avait chargé sur les épaules de sa maladie toute sa peur intellectuelle devant la vie. Il était timide, craintif, doux et bon. Mais les livres qu'il a écrits sont cruels et douloureux. Il voyait le monde comme peuplé de démons invisibles qui déchirent et détruisent l'être humain sans défense. Il était trop clairvoyant, trop sage pour pouvoir vivre, trop faible pour combattre, faible comme le sont les êtres nobles et beaux, qui ne savent pas accepter le combat avec leur peur de l'incompréhension, de la méchanceté, du mensonge intellectuel, car ils connaissent à l'avance leur impuissance et savent qu'ils couvrent de honte par leur défaite les vainqueurs. Il connaissait les humains comme seul peut les connaître un homme d'une grande sensibilité nerveuse. Quelqu'un qui est seul et qui reconnaît l'autre de manière prophétique, à un seul éclair dans les yeux. Il connaissait le monde d'une façon inhabituelle et profonde. Il était lui-même un monde inhabituel et profond. Il a écrit les livres les plus importants de la jeune littérature allemande. On y trouve la lutte de la génération actuelle du monde entier, mais sans mots tendancieux. Ils sont vrais, nus et douloureux, si bien que même là où ils s'expriment de manière symbolique, ils sont presque naturalistes. Ils sont remplis de la sèche moquerie et de la sensibilité d'un être humain qui voyait le monde avec une telle lucidité qu'il n'a pas pu le supporter et qu'il devait mourir parce qu'il ne voulait pas faire, comme les autres, de compromis ou se sauver par les différentes et plus nobles erreurs de la raison ou du subconscient. Le docteur Franz Kafka a écrit le fragment « Le chauffeur » paru en tchèque dans « Cherven » chez Neumann, le premier chapitre d'un roman magnifique, encore inédit, « Le verdict », « Conflit de deux générations », « La métamorphose », le livre le plus fort de la littérature allemande moderne, et les esquisses « Contemplation » et « Le médecin de campagne ». Le dernier roman, « Devant le tribunal », manuscrit, est prêt depuis des années pour l'impression. Il fait partie de ces livres qui, lus jusqu'au bout, laisse l'impression d'un monde si parfaitement complet qu'aucun autre mot n'est plus nécessaire. Tous ces livres décrivent l'horreur d'une incompréhension énigmatique, d'une innocente culpabilité entre les humains. Il était un artiste et un homme d'une conscience si fine qu'il entendait même quand d'autres, sourds, se croyaient en toute sécurité. Narodny Listy, 6 juin 1924. On remercie Stéphanie, Patrizia, Léa d'être venues ici et pour un peu rencontrer ces lettres ensemble. Et on a envie de rappeler les livres que Léa, tu as cités. Si tu veux nous rappeler ces deux livres. Oui, donc de Milena Jesenska, Vivre, aux éditions Cambourakis. Et la biographie par Margaret Buber-Neumann qui s'intitule Milena et qui est au seuil en français. Je voulais remercier aussi Magali qui a interprété les morceaux de Dominika Milena Jesenska qu'on trouve dans l'album L'attirance de 2019 et l'extrait de Robert Kahn, on l'a piqué à France Culture. C'était Kafka lu, intégral, une émission de la Compagnie des poètes de 2020. Et aussi l'émission donc, de Léa, l'émission que tu as faite, donc l'émission Toute une vie, qui s'intitule Milena Jesenska, Le feu vivant, Prague, 1896 et Ravensbrück, 1944, qu'on peut écouter sur France Culture aussi. Merci. Merci. Merci.